pas sorti de Ben. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Putain, vous êtes en train d'enculer les mouches là. Ah, j'ai entendu le son. Quelle heure il est là? Attends, on va essayer de... On va faire Wonderful Light. Comme il faut. Merde. Je vais le mettre sur Reaper. Je suis en train de, pendant que vous traînez... Sens parce que 100. Allez voter, allez voter, ouais, voter. C'est un peu bizarre le piano, mais bon, c'est pas grave. Ah, merde, il était pas prêt. Thank you. Ok, ah mais il y a tout là. Il y a tout là. Attendez. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire. Hein. On peut pas tout faire. C'est où le départ ? Bon, c'est pas grave. Normalement, ça se fait pas. Où sont les paroles ? Putain, j'ai perdu les paroles.